moi je. Je sais pas faire ça, moi j'ai pas ce talent. Je... Production. Monsieur Momo, 300 gang gang. C'est pas Monsieur Momo 300, c'est Monsieur 300 Momo. Yo, yo c'est Vito, posé dans le hood, tu fais trop le show. Gang. Yaya. Ok, voilà pour rigoler les rails. Ok. Yo moi c'est Momo, beaucoup trop chaud. Tu fais chaud frérot, je te rafale tes barres. Ouais, ok. Buddy left your channel. Buddy joined your channel.